Collègue poète ont disparu. Leurs chansons courent encore dans les rues. Hola, soy Andrés y tenemos hoy con nosotros Samuel a la técnica. Sans savoir pour qui battait leur cœur. Hoy empezamos un nuevo programa, La Chanson, un programa de canción francesa. Et quand on est à court d'idées, on fait la la la la la la la la la la la la. ¿Por qué un programa de canción francesa? Porque la canción francesa es una parte importante de la cultura en Francia. Diría que es un arte aparte de la música. La canción tiene un sitio aparte. Es una cultura en sí porque hay referencias en canciones de otras canciones anteriores, de otros cantantes o intérpretes anteriores. ¿Qué es una canción? Una canción es una pieza musical corta. Hoy en día se ha venido estableciendo en unos 3 minutos, igual que una película, pues se ha venido estableciendo una duración de 1 hora y media. Bueno, hay muchos que se pasan, y mucho. Pero en 3 minutos, pues tenemos que contar una historia, tenemos que poner un ambiente, describir una época, y a través de la canción, pues podemos seguir la evolución de la sociedad francesa en este caso. Hoy es 9 de marzo y ayer era el 8, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Obviamente era de cajón que hoy dedicáramos ese primer programa al Día Internacional de la Mujer y a todas las discriminaciones que sigue padeciendo. Bueno, ese es un programa de canciones, no voy a hablar más de que lo que habéis podido leer y escuchar estos últimos días. Vamos a empezar con una canción antigua, una canción del siglo XIX, concretamente del año 87 del siglo XIX, una canción de un tal Jules Jouy, que era un personaje con mucho talento, pero no era muy de fiar, que digamos. Una canción que se llama Fille d'ouvrier, hija de obreros. Esa canción pues cuenta la vida de una hija de obreros desde que nace hasta que muere. Esa canción pues retrata las dificultades por lo que pasa esta chica. Tenemos como intérprete de esta canción Michel Bernard. Esa canción la interpreta en 1994. Michel Bernard es una mujer que se ha hecho una especialidad de canción, digamos, de lucha. Entonces, para un poco que entendáis de qué va la canción, pues está dividida en distintas estrofas. Empieza diciendo que es carne de calle, después carne de trabajo, es decir, víctima del patrón, carne de cliente, que para tener un poquito más de dinero, pues se dedica a la prostitución, de acera, de policía, porque claro, está detenida, de hospital, porque claro, se pone enferma, y de fusil al final, porque claro, como es condenada, pues es condenada a muerte, la canción. Bastante triste, pero que refleja bien la vida que tuvo que ser muy dura de las obreras del siglo XIX. Escuchamos pues esa primera canción de Michel Bernard, Fille d'ouvrier. Pâle ou vermeille, brune ou blonde, bébé mignon, dans les larmes ça vient au monde, cher Aguignon. Ébouriffé, suçant son pouce, jamais lavé, comme un vrai champignon ça pousse, chair à pavé. À 15 ans, ça rentre à l'usine sans éventail, du matin au soir, ça turbine, chair à travail. Fleur des fortifs, ça s'étiole quand c'est giron, dans un guet-apens ça se viole, chair à patron. Jusque dans la moelle pourrie, rien sous la dent, alors ça rentre en brasserie, chère à client. Ça tombe encore de chute en chute, honteuse un soir, pour un franc ça fait la culbute, chère à trottoir. Ça vieillit et plus bas ça glisse, un beau matin ça va s'inscrire à la police, chère à Roussin. Ou bien sans carte, ça travaille dans sa maison, alors ça se fout sur la paille, chère à prison. D'un mal souffrant le supplice, vieux et tremblant, ça va geindre dans un hospice, chère à savant. Enfin, ayant vidé la coupe, bu tout le fiel, quand c'est crevé, ça se découpe, chère à scalpel. Patron, t'as des lieux gabales, des froids saisis, quand vous tomberez sous nos balles, chers à fusil. Pour que chaque chien sur vos trognes pisse à l'écart, nous leur laisserons vos charognes, chers à macar. Tremenda esta canción, menos mal que la vida de la obrera ha mejorado bastante, creo. Otra canción de otra Michel Arnaud, una canción de del año 1964. ¿Quién es Michel Arnaud? Michel Arnaud la bautizaron la intelectual de la canción, nunca quiso ser famosa. Es una intérprete, canto canciones de otros. Es la primera intérprete de Serge Gainsbourg, un grande, un gigante de la canción francesa. Entonces ha hecho un poco siempre lo que le entró en gana, cantaba las canciones que le apetecía cantar y por eso era muy libre de cantar lo que quería cantar. Esa canción se llama Ne vous mariez pas les filles, no os caséis chicas. Es una canción de otro grande de la canción francesa, Boris Vian, que ha escrito la letra. No os caséis chicas. Bueno, entonces en esa canción va haciendo un panorama poco agradable del hombre en general. Empieza hablando del hombre en pelota que sale de la ducha, que es poco agradable de ver. Después del hombre que come espagueti y que no deja de tener tomate, salsa de tomate en su traje. En fin, que el hombre no hay por donde salvarle, ¿no? Dice, por ejemplo, que cuando los hombres son guapos, son tontos. Cuando son viejos, son horribles. Cuando son altos, son vagos. Y cuando son pequeños, son malvados. Entonces aconseja a las chicas de dedicarse a otra cosa que casarse. Por ejemplo, al cine, a ser camarera, a bailar en cuero. y a cambiar de amante 4 veces al mes y guardar el dinero para pagarse chicos jóvenes cuando ya lleguen a los 50. No tiene desperdicio esa canción de Michel Arnaud de 1964, Ne vous mariez pas les filles. Avez-vous vu un homme à poil sortir soudain de la salle de bain, dégoulinant par tous les poils et la moustache pleine de chagrin? Avez-vous vu un homme bien laid en train de manger des spaghettis, fourchette au poing, l'air abruti, la sauce tomate sur son gilet? Quand ils sont beaux, ils sont idiots. Quand ils sont vieux, ils sont affreux. Quand ils sont grands, ils sont feignants. Quand ils sont petits, ils sont méchants. Avez-vous vu un homme trop gros extraire ses jambes de son dodo, se masser le ventre, se gratter les tits et regarder ses pieds l'air pensif? Vous mariez pas les filles, ne vous mariez pas. Faites plutôt du cinéma, restez plus seul chez votre papa, devenez serveuse chez un bougna, élevez des singes, élevez des chats, levez la patte à l'opéra, vendez des boîtes de chocolat, prenez le voile, vous le prenez pas, dansez à poil pour les gagas, soyez radeuse, avenue du bois, mais ne vous mariez pas les filles, ne vous mariez pas. Avez-vous vu un homme gêné rentrer trop tard pour le dîner, du rouge à lèvres sur son col, du flageolant sur la guibole? Avez-vous vu au cabaret un monsieur qui n'est plus très frais se frotter avec insistance sur une petite fleur d'innocence? Quand ils sont bêtes, ils nous embêtent. Quand ils sont forts, ils font du sport. Quand ils sont riches, ils gardent l'artiche. Quand ils sont durs, ils nous torturent. Avez-vous vu à votre bras ce maigrichon à face d'aura, friser ses 3 poils de moustache et se redresser l'air bravache? Vous mariez pas les filles, ne vous mariez pas. Mettez vos robes de gala, allez danser à l'Olympia, changez d'amant 4 fois par mois, prenez la braise et gardez-la, cachez la fraîche sous vos matelas. À 50 ans ça servira à vous payer de bons petits gars, rien dans la tête, tout dans les bras. À la belle vie que ça sera, si vous ne vous mariez pas les filles, si vous ne vous mariez pas, si vous ne vous mariez pas les filles, si vous ne vous mariez pas. No, ya sabéis, no os caséis. Bueno, seguimos con una intérprete que sigue viva porque tiene 88 años, Juliette Gréco. Juliette Gréco es la musa del existencialismo, es alguien que tiene un sitio importantísimo en la canción francesa. Estuvo en contacto con todos los intelectuales y artistas de la época. Casi se casa con Miles Davis, pero Miles Davis tenía que volver a Estados Unidos y no quería soportar una vida de mujer blanca casada con negro en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues lo dejaron. Pero en fin. Juliette Gréco es la cantante intérprete. Ella tampoco ha compuesto ni ha escrito nada, pero la intérprete de la canción francesa más grande que sigue viva. Por cierto, si estáis interesados, pues va a dar 2 recitales los 16 y 17 de mayo en la sala mítica de l'Olympia en París. Esa canción es del año 67, se llama Déshabillez-moi, Desvístame. Es una canción que canta a un hombre que pues, le dice que le quite la ropa, pero no muy rápido, pero no ahora, pero con delicadeza. Dice al hombre que sepa seducirla, que sepa consumirla, y es una canción, diría yo, que erótica, ¿no? Escuchemos esa canción, Déshabillez-moi, de Juliette Gréco, de 1967. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite. Pas trop vite. Sachez me convoiter. Me désirer. Me captiver. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Mais ne soyez pas comme tous les hommes. Trop pressés. Et d'abord le regard. Tout le temps du prélude. Ne doit pas être rude. Ni hagard. Dévorez-moi les yeux, mais avec retenue, pour que je m'habitue peu à peu. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite. Pas trop vite. Sachez m'hypnotiser. M'envelopper, me capturer, déshabillez-moi, déshabillez-moi, avec délicatesse, en souplesse, et doigté. Choisissez bien vos mots. Dirigez bien vos gestes, ni trop lent, ni trop leste, sur ma peau. Voilà, ça y est, je suis, frémissant et affaire de votre main experte. Allez-y. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Maintenant, tout de suite. Allez vite, sachez me posséder, me consommer, me consumer. Déshabillez-moi, déshabillez-moi, conduisez-vous en homme. Soyez l'homme, agissez. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Et vous, déshabillez-vous. Hermosa canción, al final de la canción dice al chico que se quite la ropa porque por lo visto estaba pasamos a una canción que no es interpretada por ninguna intérprete en particular. Es un himno del movimiento de liberación de la mujer MLF del año 71. El movimiento fue muy importante en la lucha de la mujer en Francia. Nace después de mayo del 68 y, por ejemplo, ha sido determinante para que el aborto libre y gratuito se consiguiera en el año 74 de mano de la ministra de Sanidad, Simone Veil. Esa canción pues dice cosas como: nosotras que estamos sin pasado, nosotras que somos el continente negro, esclavas, humilladas, violadas, rompemos nuestras cadenas juntas, el tiempo de la ira ya ha llegado. Escuchemos esa canción. hors du monde relégué, debout fameux esclaves, et brisons nos entraves, debout, debout, debout. Seuls dans notre malheur, les femmes, l'une de l'autre ignorée, ils nous ont divisé les femmes et de nos sœurs séparées. Debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Reconnaissons-nous les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble on nous opprime les femmes, ensemble révoltons-nous. Debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout, debout, debout. Bueno, el feminismo en Francia está un poco de capa caída, todo hay que decirlo hoy en día. Seguimos con una canción de Francesca Solville, otra veterana de la canción francesa porque tiene ahora mismo 82 años y sigue cantando. No es una intérprete, bueno, es más que una intérprete, es también canto autora de primera fila como Juliette Gréco, pero es una mujer muy interesante. Vamos a escuchar una canción del año 74 que se llama Demande aux femmes. Demande aux femmes significa pregúntaselo a las mujeres. Esa canción pues critica un poco pues el rol que les dan los hombres a las mujeres. En esa canción dice: nacieron para hacer soñar en las revistas y los escaparates, para barrer, limpiar, dar la luz, trabajar dos días en uno. Pero también al final de la canción dice que las mujeres nacieron para luchar. Es una artista comprometida con los temas de su tiempo. Escuchamos pues Demande aux femmes de Francesca Solville. Elles sont nées pour faire rêver dans les magazines et dans les vitrines. Les femmes ont tant de frivolité, demande à Gisèle et à Isabelle. Elles sont nées pour balayer et faire la vaisselle, vider la poubelle. Montant d'habileté, d'habileté, demande à Hélène et puis à Guylaine, demande à Gisèle et à Isabelle. Elles sont nées pour enfanter, et savent dès l'enfance que c'est dans la souffrance. Des femmes ont tant de générosité, demande à Christine et à Micheline, demande à Hélène et puis à Guylaine, demande à Gisèle et à Isabelle. Elles sont nées pour travailler, et faire chacune deux journées dans une. Les femmes ont tant d'agilité, d'agilité, demande à Colette et à Antoinette, demande à Christine et à Micheline, demande à Hélène et puis à Guylaine, demande à Gisèle et à Isabelle. Elles sont faites pour lutter, quand c'est leur colère qui remue la terre. Les femmes aussi savent lutter, demande à Rosa et à Angela, demande à Colette et Antoinette, demande à Christine et à Micheline, demande à Hélène et puis à Guylaine, demande à Gisèle et à Isabelle. Seguimos en el tiempo, saltamos un año, pasamos al año 75, del siglo XX. Como estáis observando, son intérpretes femeninas, es sin una elección que he hecho porque me parecía de justicia, pero bueno, no podía no estar en esta selección un cantante que para mí ha hecho la canción feminista más interesante y más conocida en Francia de las que hay, ¿no? Es uno de los gigantes de la canción francesa, se llama Jean Ferrat. Nos dejó en el año 2010 con 70 años y esa canción se llama La femme et l'avenir de l'homme. La mujer es el futuro del hombre. Dice que el poeta siempre tiene razón, que ve más allá del horizonte. Olvidemos las antiguas maldiciones y tendremos que volver a aprender a vivir juntos, a escribir un nuevo libro. Todo en la pareja va a cambiar. Eso en el año 75 lo decía. Habría mucho que cambiar todavía, pero es una hermosa canción que vamos a escuchar ahora. Le poète a toujours raison, qui voit plus haut que l'horizon, et le futur est son royaume. Face à notre génération, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Entre l'ancien et le nouveau, votre lutte à tous les niveaux, de la nôtre est indivisible. Dans les hommes qui font les lois, si les uns chantent par ma voix, d'autres décrètent par la Bible. Le poète a toujours raison, qui détruit l'ancienne oraison, l'image d'Ève et de la pomme. Face aux vieilles malédictions, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Pour accoucher sans la souffrance, pour le contrôle des naissances, il a fallu des millénaires. Sortons du Moyen-Âge, vos siècles d'infini servage pèsent encore lourd sur la terre. Le poète a toujours raison, qui annonce la floraison d'autres amours en son royaume. Remet à l'endroit la chanson et déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Il faudra réapprendre à vivre, ensemble écrire un nouveau livre, redécouvrir tous les possibles. Quelque chose enfin partagé, tout dans le couple va changer d'une manière irréversible. Le poète a toujours raison, qui voit plus haut que l'horizon. Et le futur est son royaume. Face aux autres générations, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Llegamos al año 86 y vamos a escuchar ahora una canción de Anne Sylvestre, otra veterana de la canción francesa, tiene ahora mismo 80 años. Se dio a conocer mucho con canciones para niños, pero es a su vez una mujer comprometida. Tiene canciones sobre el aborto, sobre la violación, etc. Vamos a escuchar una canción que se llama La faute à Eve, la culpa de Eva. Es una canción irónica. Dice, por ejemplo, que primero probó la manzana, Adán se la comió, pero era Eva tiene la culpa de que Adán se la comió. La manzana era insípida. Y después sigue añadiendo, porque como estaba en cuero, pues Adán se resfrió. Dios les obligó a trabajar. Adán se fue a cazar antílopes y Eva se dedicó a criar hijos, o sea, que no hacía nada en todo el día. Y concluye diciendo, no quiero ir al paraíso que se ha creído Dios. Es misógino. Satán no. Escuchemos La faute à Eve de Anne Sylvestre del año 86. D'abord elle a goûté la pomme, même que c'était pas très bon. Y avait rien d'autre alors ensemble, elle a eu raison, eh bien non. Ça l'a pourtant arrangé l'homme, c'était pas lui qui l'avait fait. N'empêche, il l'a bouffé la pomme, jusqu'au trognon est vite fait. Oui, mais c'est la faute à Eve, il a rien fait lui Adam. Il a pas dit femme je crève, rien à se mettre sous la dent. D'ailleurs c'était pas terrible, même pas assaisonné. C'est bien écrit dans la Bible, Adam il est mal tombé. Après ça quand Dieu en colère leur dit avec des hurlements, aucune pomme à l'inventaire, qu'il a volé c'est toi Adam. Et me savant sa fanfaronne, il dit mais non papa c'est moi. Et d'ailleurs elle était pas bonne, faudra laisser mûrir je crois. Alors c'est la faute à Eve, s'il les a chassés d'en haut. Et puis Adam a pris la crève, il avait rien sur le dos. Eve a dit attends je cueille des fleurs, c'était trop petit. Fallait une grande feuille pour lui cacher le zizi. Après ça, quelle triste affaire, Dieu leur a dit faut travailler. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire, Eve leur a dit j'ai trouvé. Elle s'arrange à la salope pour faire éporter les enfants. Lui poursuivait les antilopes et les lapins pendant ce temps. C'est vraiment la faute à Eve, si Adam rentrait crevé. Elle avait une vie de rêve, elle s'occupait des bébés. Défrichait un peu la terre, semait quelques grains de blé. Pétrissait bols et soupières, faisait rien à la journée. Pour les enfants ça se complique, au premier fils il est content. Et quand le deuxième rapplique, il devient un peu impatient. Le temps passe, Adam fait la gueule, il s'aperçoit que sa nana va se retrouver toute seule, avec trois bonhommes à la fois. Là c'est bien la faute à Eve, elle n'a fait que des garçons. Et le pauvre Adam qui rêve de changer un peu d'horizon, lui faudra encore attendre de devenir grand-papa, pour tâter de la chair tendre, si même il va jusque-là. En plus, pour faire bonne mesure, elle nous a collé un péché. Qu'on se repasse et puis qui dure, Elle a vraiment tout fait rater. Nous les filles, on est dégueulasses. Bah, ça nous est naturel. Et les garçons, comme ça passe par chez nous, ça devient pareil. Mais si c'est la faute à Ève, comme le bon Dieu l'a dit, moi je vais me mettre en grève. J'irai pas au paradis, non me. Qu'est-ce qu'il s'imagine? J'irai en enfer tout droit. Le bon Dieu est misogyne, mais le diable ne l'est pas. Divertida la canción, la verdad. Seguimos con nuestro programa. Vamos a escuchar una canción un poco más rock de Brigitte Fontaine. Brigitte Fontaine es también muy mayor, tiene 75 años. Es la artista más polifacética de la canción francesa, quizás. Es una artista underground. Es novelista, actriz, poeta, poetisa, mejor. Y esa canción pues se llama Conne. Conne significa, no sé, la traducción quizás sería gilipollas. Dice en esa canción: soy gilipollas porque he pasado al lado de mi vida, no he hecho nada como me lo pedían, soy una mancha, un cero a la izquierda, ¿no? En esa canción critica las imposiciones de la sociedad a la mujer, la belleza, el éxito. Je suis malheureuse parce que je suis conne et que tout le monde est con parce que j'ai raté ma vie, j'ai raté mon évolution spirituelle, je n'ai pas appartenu à initiatique. obviamente no habla de sí misma, es todo salvo con gilipollas. La canción siguiente se llama Rime Féminine. Es de una cantautora muy interesante que se llama Juliette. Juliette es un nombre artístico, es un nombre real también. Se llama Juliette Noureddin, es de origen argelino. Ya lleva 14 discos a su espaldas, tiene 52 años en la actualidad. Y Rime Féminine, Rimas Femeninas, pues habla de las mujeres famosas que ha conocido la historia, que son muchas, y intenta ponerse en su piel. Habla, por ejemplo, pues de mujeres francesas conocidas, por ejemplo, Camille Claudel, Coco Chanel, Louise Michel, Marguerite Duras, pero otras mujeres de otras culturas como María Callas, Flora Tristan, Judy Garland, Josephine Baker, etc., ¿no? Bette Davis. Podréis reconocer sus nombres en la canción. Y al final dice que si no puede ser ninguna de estas, pues que sea una mujer, como una mujer normal, una mujer como las demás, ¿no? Escuchemos Rime Féminine del año 96 de Juliette. Dans un corps vide entrait mon âme, tout à coup être une autre femme, et que Juliette Noureddin, en l'une ou l'autre s'enracine, et lire parmi les éminentes, celles qui me feraient frissonnante, parmi toutes celles qui surent s'ébattre, qui surent aimer, qui surent se battre, mes sœurs innées, mes philippines, mes savantes et mes bécassines, Julie, Juliette ou bien Justine, toutes mes rimes féminines, Clara Zetkin, Anaïs Nin, ou Garbo dans la reine Christine, sur le céleste carousel, choisir entre ces demoiselles, Camille Claudel, Mamselle Chanel, ou l'enragée Louise Michel, vivre encore colombe ou rapace, écrire, chanter ou faire des passes, Margot Duras, Maria Callas, ou bien Kiki de Montparnasse. Naître demain, renaître hier, en marche avant, en marche arrière, m'incarner dans ses divergences, ses beautés, ses intelligences, et jouir du bien, ne retrait pas, pour dans leurs pas mettre mes pas. Musidora, la Pavlova, ou mon aïeul, la grande gueule Teresa, que j'en ai l'esprit ou l'aspect, ou bien même les deux, s'il vous plaît. Juliette Drouet, la signore, ou la grande Mulholliday. Tout voile dehors et en chantant, avec l'une d'elles me révoltant, Flora Tristan, Yvonne Printemps, ou la farouche Isadora Duncan. Pour toute arme ayant leur fierté, pour amante la liberté, les sœurs Bronte, Loïs Labbé, ou Louandre à Salomé. Même s'il faut en payer le prix, être la fleur, être le fruit, être Alice Guy, être Arletty, Marie Dubas, Marie Curie. Mais s'il vous plaît, point de naissance, de jeunesse ni d'adolescence, épargnez-moi la chambre rose, soyez bonne aux métempsychoses, permettez à votre Juliette de ne point mûrir en Minette, mais en Colette, en Miss Ringuette, ou pourquoi pas Madame de Lafayette. Mettez-moi, je vous le demande, instamment dans la cour des grandes, Judy Garland, Barbara Streisand, ou cette bonne dame de George Sand. Placez-moi du côté du cœur, côté talent, côté bonheur, Loï Fuller, Dottie Parker, ou Sainte Joséphine Baker. Tout de suite, les feux de la gloire, les feux de la rampe et de l'histoire, la Yourcenar, Sarah Bernhardt, ou la très sage Simone de Beauvoir, une voix d'argent au fond d'un port, une plume d'acier ou un cœur d'or, la Solidor, Christiane Rochefort, ou Marceline déborde Valmore. Les belles sans peur et sans marmaille, toutes nues au fort de la mitraille, Sylvia Bataille, Anna de Noailles, Camarade Alexandra Kollontai. Et les agitatrices de bouche brandissant l'espoir et la gouge, Hollandais, rouge, Rosala, rouge, et la vieille Germaine de Montrouge. La lignée des dominatrices, l'Élise, Madame devient ou Miss Compariotis, ou les Dacis, Angela et Bette Davis. Le train du diable et ses diablesses, les vénéneuses et les tigresses, Lola Montes, Gina Manès, et l'empoisonneuse Brocchia Lupès. Enfin j'ai pour être sincère, du goût pour les belles arrangères, Yvette Gilbert, Claire Bredacher, j'irai même jusqu'à Anne Sinclair. Mais si tant de souhaits vous chagrinent, s'il est contraire à la doctrine de viser haut dans les karmas, alors faites dans l'anonymat, en attendant que tout bascule, que Satan ne me congratule, ou que les anges me fassent la fête. Permettez une ultime requête, faites-la renaître votre frangine, en n'importe qui, en fille d'usine, en fille de rien ou de cuisine, en croate ou en maghrébine, en éponine, en clémentine, en Malka Malika ou Marilyn. Et si votre astrale cuisine par hasard ne le détermine, j'accepterai par discipline de revenir en cabotine, en libertine, en Bourgandine. Tiens, Juliette. Hermosa canción sobre las mujeres famosas por lo que han hecho. La siguiente canción que vamos a escuchar se llama J'aime pas l'amour, no me gusta el amor, de Olivia Ruiz, una niña terrible de la canción francesa. Bueno, tiene 35 años. Es una canción del año 2003 y cuenta como que es siempre lo mismo, la misma historia, el mismo camino, la misma palabra, las mismas rosas, los mismos ojos de cordero degollado. No le gusta el amor, prefiere pues las relaciones inestables, digamos. En esa canción habla de Aznavour, de Gainsbourg, ¿eh?, de otros dos cantantes anteriores a ellas, y eso es lo que decía al principio, que hay una relación de canción a canción, intérprete a intérprete en la canción francesa. Escuchamos J'aime pas l'amour de Olivia Ruiz. J'aime pas l'amour, à chaque fois voilà, c'est reparti pour un tour, et shabadabada, sur la plage de Cabourg. J'aime pas l'amour. vaut rien, le gentil troubadour. Dès le lendemain matin, il ressemble à Gainsbourg, c'est dire si ça craint. J'aime pas l'amour. Me séduire à ce que tu te gourres. Je suis sourde au désir et le désir en sourd. J'aime pas l'amour. Y os dejo con esa canción del año 2008 de Anaïs, se llama Elle me plaît, me gusta. Por ejemplo, dice, habla de otra mujer, ella es muy sexy, solo divina. Con ella me iría a una isla desierta. Je tombe des nues, je suis perplexe, et me voilà dans de beaux draps. Je cède, est-ce la faute de la Bex? Si je suis tombée dans ses bras, elle me plaît. Elle me plaît. Ses yeux m'achèvent à petit feu. Je me couche devant. Au fond de leurs abysses, j'entends, j'écoute ce qu'elles me disent. J'écoute quand elles se taisent aussi. Sa voix est comme un thé chinois, corsé et doux à la fois. Elle me plaît. Elle est divine, juste divine. C'est elle que j'emporterai sur une